ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le féminisme au temps de la lutte pour la reconnaissance du travail des femmes à la maison. La femme au foyer, la mère de famille, elle est gestionnaire, elle est cuisinière, elle est blanchisseuse, éducatrice, elle est chauffeur à 6 heures, peintre décorateur, jardinière, hôtesse, femme de ménage, couturière et j'en passe. Après avoir prétendu que notre travail était improductif, non spécialisé, pas fatigant, voilà qu'on affirme qu'il faut avoir la vocation. Je comprends facilement qu'il faille une bonne dose de vocation pour accepter un emploi aussi peu rémunérateur. La présidente du Conseil du statut de la femme, Yvette Rousseau, à l'émission Présent en juin 1977. Dans les années 70, la reconnaissance du travail des femmes à la maison est l'une des principales batailles que mène le mouvement féministe. À cette époque, des études évaluent à près de 100 heures par semaine la semaine de travail type d'une femme à la maison. On estime aussi que ce qu'on appelle le travail ménager représente autour du tiers du produit national brut canadien. C'est dans ce contexte que le mouvement féministe, appuyé par certains partis politiques d'ailleurs, réclame un salaire pour les femmes qui travaillent à la maison. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont tout seuls, mais quand ils se regroupent, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas tout seuls. Puis qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes problèmes. Mais il faut pas que ça s'arrête là. Ben non, il faut qu'ils fassent des actions, il faut qu'ils fassent des choses positives. Il faut qu'ils déterminent entre eux autres qu'est-ce qui est primordial pour eux autres. Comment est-ce qu'ils peuvent faire valoir leurs droits. Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir de mieux dans la société? Comment est-ce que les gens peuvent, tu sais, je veux dire, pas les regarder comme des bibelots? Parce que la femme aujourd'hui est plutôt reconnue comme un bibelot ou un jouet, tu sais. Sa valeur morale, c'est pas tellement élevée dans le monde, tu sais. Ils l'ont toujours soumise à être, pas le complément de l'homme, qu'est-ce qu'il devrait être, par exemple, mais je veux dire, à être, tu sais, inférieur, tu sais, toujours de la rabaisser. L'homme domine, mais la femme, elle, ben, il faudrait qu'elle se laisse dominer pour plaire à tout le monde. Tu te sens seule, t'es tout seul, tu penses que t'es tout seul au départ, puis quand tu rentres dans un groupe, ben, tu t'aperçois que t'es réellement pas tout seul, qu'il y en a d'autres qui sont pareils comme toi, tu sais. Je veux dire, puis les gens pourraient peut-être s'aider plus si, justement, ils se battaient pour avoir plus, tu sais, monétairement, ou que les lois soient plus en leur faveur, qu'il n'y ait plus de possibilités, que ce soit du côté des garderies, que ce soit du côté des écoles, tu sais. Tu te bats pas rien que pour la condition de la femme, c'est en valeur de tes enfants, de ta fille, ceux qui ont des filles. Je sais pas comment y penser bien si tu voudrais que ta fille fasse le même trajet que tu as fait, du même point de vue. Moi, je suis pas intéressée. Tu sais, je veux que sa vie soit améliorée. Extrait du documentaire « D'abord ménagère » réalisé par Luce Guilbeault en 1978 pour nous parler de ce combat du mouvement féministe des années 70 et 80 pour la reconnaissance du travail des femmes à la maison. Je reçois Camille Robert, qui est candidate au doctorat en histoire à l'Université du Québec à Montréal et également l'auteur du livre « Toutes les femmes sont d'abord ménagères, histoire d'un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager au Québec entre 1968 et 1985 ». Camille Robert, bonjour. Bonjour. On l'a un peu oublié avec le temps, mais c'est vrai que dans les années 70-80, la question du travail des femmes à la maison, c'est vraiment ce qu'on appelle le travail ménager. C'est un enjeu très, très important qui est défendu par les groupes féministes. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, cette question-là occupe autant de place? Bien, à l'époque, au début des années 70, il y avait une majorité de femmes qui étaient ménagères, donc qui étaient à temps plein à la maison. Et c'est seulement en 1980 que là, on va voir de plus en plus des femmes intégrer le marché de l'emploi. Mais chez les féministes, à l'époque, il y avait vraiment cette idée-là que toutes les femmes avaient en commun l'exploitation de leur travail ménager. Il y avait un slogan à l'époque qui disait « Toutes les femmes sont d'abord ménagères ». Donc, il y avait cette idée-là que les femmes, quelles que soient leurs conditions, qu'elles soient travailleuses, épouses, mères, qu'elles soient pauvres, riches, elles étaient toutes d'abord ménagères. Et donc, selon les féministes, il s'agissait là d'une base commune pour mener des mobilisations et éventuellement obtenir différentes formes de reconnaissance du travail ménager. La première injustice, en tout cas une des premières injustices, c'était celle-là. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Ouais. Donc, en fait, elle voyait le travail ménager vraiment comme une entrave qui faisait en sorte que les femmes rencontraient plusieurs barrières, à la fois dans l'accession à l'emploi, dans l'égalité au sein du couple hétérosexuel, et même dans les types d'emplois que les femmes effectuaient. Mm-hmm. Elle voyait là une extension du travail ménager. Donc, les emplois de secrétaire, d'infirmière, d'enseignante, d'éducatrice à la petite enfance. Elle voyait là, finalement, une transposition du travail ménager sur le marché de l'emploi. Avec des conditions à l'avenant, c'est-à-dire moins valorisées et moins bien rémunérés. Qui porte ce combat-là à l'époque? Bien, à l'époque, c'est des groupes qui émergent dans le cadre du renouveau féministe au Québec. Donc, tout ce qu'on a appelé la deuxième vague féministe, c'est des collectifs féministes plus radicaux que ceux qui existaient déjà, comme la Fédération des femmes du Québec et l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Et donc, ces collectifs-là vont cibler le travail ménager vraiment comme étant le résultat de rapports capitalistes et patriarcaux. C'est beaucoup le Front de libération des femmes du Québec qui émerge en 1969, puis le Centre des femmes qui va émerger en 72, qui vont d'abord porter ce discours-là, notamment à travers leur journal Québécoise de Bout. Oui. Donc, une vision très... un peu comme... C'est le FLQ politiquement, le Front de libération du Québec, c'est un peu l'équivalent avec le FLF, entre autres. Cette manière de voir le monde et de porter le combat féministe à l'époque. Comment on définit, ça c'est intéressant, ça va assez loin, comment on définit le travail des femmes à la maison? Bien, pour elles, il s'agit de l'ensemble du travail reproductif qui est généralement assigné aux femmes. Donc, on peut penser à la maternité et à l'éducation des enfants, à tout le travail affectif ou émotionnel dans la famille. On peut penser aussi aux soins de certains membres âgés ou malades, par exemple des parents vieillissants. Il y a aussi l'entretien du logis, évidemment, la préparation des repas, la planification et aussi certaines qualités qu'on attend généralement des femmes. Donc, la douceur, l'empathie, la disponibilité, la courtoisie. Donc, tout ça, finalement, ça forme un continuum de tâches, de gestes et de caractéristiques qui sont attendues de la part des femmes. Ce qui fait qu'on arrive à... Le chiffre que j'ai cité au début, mais je l'ai vu dans une étude, je pense que c'est une institution bancaire qui disait que la semaine moyenne d'une femme à la maison, c'était à peu près 100 heures de travail. Quand on cumule tout ça, c'est ça que ça donne. Si cette question du travail des femmes revient donc avec cette deuxième génération de féministes dont vous nous parliez autour des années 70. La première génération, au début du 20e siècle, porte aussi cette bataille-là de manière différente, mais déjà, il y a des signes qui nous laissent voir que cette question-là du travail ménager, c'est une préoccupation des féministes au début du 20e siècle. Exactement. Il y a beaucoup de militantes dans les mouvements des femmes qui vont s'appuyer sur le travail maternel qui est réalisé par les femmes, par les épouses, par les mères à la maison, pour revendiquer une extension des droits des femmes, notamment l'accès au droit de vote, évidemment. Et dans certains discours, il y a plusieurs militantes qui vont déjà là constater que le travail ménager n'est pas payé quand il est réalisé par l'épouse, mais il est rémunéré quand, par exemple, il est fait par une travailleuse domestique. Mm-hmm. Dans un discours en 1907, Marie-Gérin Lajoie va en arriver à ce constat-là et va dénoncer le fait que ce travail-là ne soit pas reconnu lorsqu'il est fait par les épouses. Et en 1919, Eva Circé-Côté, qui est bibliothécaire, journaliste, militante, elle va signer dans le journal Le Monde ouvrier, sous le pseudonyme de Julien Saint-Michel, un article où elle appelle à la grève des ménagères. Et elle revendique un salaire de 25 $ par mois. Et elle dit que si les maris ne versent pas ce salaire-là aux ménagères, bien, elles vont entrer en grève, elles vont aller porter les enfants chez les sœurs grises et elles vont casser des vitres. Ouais, donc l'idée, elle est là quand même, déjà, début 20e siècle, de rémunérer avec même cette idée qui va faire son chemin. Là. Il y a des partis politiques qui un jour reprendront ça, cette idée d'un salaire pour le travail des femmes à la maison. Revenons un petit peu au climat, au contexte des années 70. Vous en avez un petit peu parlé, mais au prisme, au fond idéologique avec lequel on va embrasser cette bataille-là, c'est, je le disais, c'est politiquement le Front de libération du Québec. C'est l'époque du FLQ, fin des années 60, début des années 70. Le FLF, le Front de libération des femmes, porte la cause féministe. Donc, une approche plus radicale, plus révolutionnaire, avec une manière très idéologique, très particulière de voir et de décoder le monde, Camille Robert. Bien oui, ces féministes vont inscrire l'analyse du travail ménager dans le cadre capitaliste et patriarcal. Donc, elles vont dire que d'une part, il y a les patrons qui bénéficient de ce travail-là parce que pour le salaire d'un ouvrier, ils vont avoir le travail de deux personnes. Mm-hmm. Donc, celui de l'ouvrier et celui de la ménagère qui fait en sorte qu'à chaque matin, l'ouvrier puisse se présenter au travail alors que quelqu'un s'occupe des enfants, nettoie la maison, prépare les repas. Et d'autre part, évidemment, il y a les hommes qui profitent de ce travail-là parce que ils ne paient pas finalement la femme qui est au foyer, leur conjointe, pour réaliser l'ensemble de ce travail-là. Donc, elles vont vraiment inscrire le travail ménager dans ces rapports d'exploitation-là, capitalistes et patriarcaux. Rapport de force, grille très marxiste, il y a la force du travail, il y a une force du travail qui n'est pas reconnue par le système capitaliste, qui n'est pas payée, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les militantes vont vraiment prendre le cadre d'analyse marxiste du travail pour l'appliquer au travail ménager. Oui. Et vraiment utiliser ces mêmes catégories-là. Puis c'est quand même assez intéressant parce qu'à l'époque, beaucoup de groupes marxistes, léninistes, affirmaient que les ménagères n'étaient pas des travailleuses et donc elles n'étaient pas des sujets politiques. Ce qui faisait en sorte que pour intégrer la lutte contre le capitalisme, finalement, elles devaient d'abord intégrer les usines. Alors que les féministes vont un peu renverser ça et dire, bien, les ménagères, elles travaillent déjà à temps plein à la maison et il faut reconnaître ce travail-là et sa valeur pour le capitalisme. Puis elles vont analyser ce travail ménager-là à travers trois caractéristiques. Elles vont dire d'abord que c'est un travail invisible parce qu'il se situe en dehors des rapports du marché. Elles vont dire ensuite que c'est un travail privé parce que son produit va être consommé directement dans la famille. Et finalement, elles disent que c'est un travail gratuit parce qu'il n'est pas rémunéré. Le théâtre des cuisines présente « Maman travaille pas à trop d'ouvrage ». Ça y est, c'est fait, je me suis mariée, c'est beau chez nous. Je peux tout shiner quand j'en ai le goût. Ça y est, c'est fait, puis je travaille plus, fini de puncher. Mes heures à cette heure sont toutes à moi. Horaire, 79 heures par semaine. Salaire, nul. Vacances, nul. Doit maintenir son service 7 jours sur 7. Promotion, nul. Je peux me lever tard, penser à lui, faire un peu d'ordre, puis cuisiner, regarder la TV, la la la la. Ma mère a pu la main sur moi. La pièce de théâtre « Maman travaille pas à trop d'ouvrages » du Théâtre des cuisines, dont on vient d'entendre un extrait, c'est un exemple assez formidable, Camille Robert. La grille marxiste dont vous parliez, on l'entendait dans cette petite chansonnette qu'on vient d'entendre. Mais c'est un exemple assez formidable, cette pièce-là, de la manière dont va évoluer au fil du temps cet enjeu autour de la reconnaissance du travail des femmes à la maison. La pièce elle-même va changer au fil du temps. Oui, en effet. Bien, les premières fois où le Théâtre des cuisines présente cette pièce-là, en fait, il y a toujours des discussions après la pièce de théâtre. Et dans la première version de la pièce, les ménagères, au terme de leur grève, elles revendiquent un salaire au travail ménager. Et lors des discussions après les représentations, cette revendication-là crée tellement de tensions et de controverses que finalement, les militantes et les artistes du Théâtre des cuisines n'auront pas d'autre choix que de changer la fin de la pièce de théâtre pour que les ménagères revendiquent plutôt des garderies, des cantines et différents services. Puis, dans cet exemple-là, on voit vraiment toute la tension qui est liée à cette revendication-là du salaire au travail ménager, parce que beaucoup de femmes considéraient qu'il y aurait là un enfermement des femmes dans le foyer. Ouais. Et donc, il y aura énormément de tension autour de cette revendication-là tout au long des années 70 et 80. La libération de la femme, entre guillemets, passe pour certaines, en tout cas, passe par le travail, par l'adhésion au marché du travail, par l'indépendance économique. C'est ce qui fait qu'on va se détacher petit à petit de cette revendication d'un salaire pour les femmes qui travaillent à la maison. De fait, à partir de la fin des années 70, on commence vraiment à se désintéresser de cette question-là. Pourquoi? Bien, c'est certain qu'au début des années 80, il y a de plus en plus de femmes qui intègrent le marché de l'emploi. Donc, il y a beaucoup de femmes ou de militantes qui supposent qu'en intégrant le marché de l'emploi, bien, les inégalités qui sont liées au travail ménager seraient naturellement corrigées, puisque hommes et femmes seraient également travailleurs et travailleuses, et donc les tâches seraient partagées de façon plus équitable. On a supposé aussi qu'il y aurait des services qui seraient mis en place pour permettre aux femmes d'intégrer le marché de l'emploi. Mmh. Dans le cas des CPE, ça a été fait seulement dans les années 90. Et aussi, il y a de plus en plus de femmes qui étaient réticentes à se revendiquer du statut de ménagère. Donc, le statut de ménagère, c'était vraiment un statut qui était dénué de pouvoir. On contestait même la nature du travail qui était effectué. On disait que c'était pas un travail, que c'était du dévouement, de la vocation, de l'amour. Donc, de moins en moins de femmes voulaient se revendiquer de ce statut de ménagère-là. Et donc, on mettait de côté aussi la possibilité de mener des luttes communes et collectives sur la base du travail ménager et de cette identité de ménagère. Et il y aura des prises de position. La Fédération des femmes du Québec en 80 avec un rapport. Il y a vraiment... On voit, quand on regarde un petit peu ce qui est publié des différentes organisations féministes, on voit cet éloignement graduellement. Puis il y aura un livre du travail et de l'amour en 85 qui va être un peu, je pense, le clou sur le cercueil de cette revendication par rapport au travail ménager. Oui, bien, ce qu'on voit, c'est que les collectifs féministes plus militants vont délaisser cet enjeu-là. De plus en plus, ça va être saisi par des groupes plus réformistes comme la Fédération des femmes du Québec ou l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Donc, la FIASQ va quand même mener une campagne nationale de mobilisation sur cette base du travail ménager-là qui va culminer avec un colloque en 1984, « Moi aussi, je travaille au foyer ». Donc, ça va avoir quand même une certaine importance. Mais ce qu'on observe effectivement, c'est que ben, cet enjeu-là va être saisi par le Conseil du statut de la femme, par exemple, qui va justement commander cette étude du travail et de l'amour. Et ça fera en sorte que peu à peu, le mouvement féministe plus militant, disons, va être un peu dépossédé de cet enjeu-là. Et cette étude-là, en 1985, se conclut sans vraiment qu'il y ait de pistes de mobilisation, de recommandations concrètes. Donc, ouais. Ça va vraiment clore les débats sur le travail ménager en 1985. Donc, on avait un peu la courbe. Hein? Début, fin des années 60, ça commence. Années 70, années 80, mais surtout années 70, très forte militance autour de cette question du travail ménager. Puis, petit à petit, dans les années 80, ça disparaît. On va maintenant s'attaquer un petit peu aux différentes options qui étaient proposées. Puis, parmi ces options-là, on en a déjà parlé depuis le début de cette émission, celle d'un salaire versé aux femmes qui travaillent à la maison. Madame, comment aimeriez-vous gagner 144,34 $ par semaine sans quitter votre foyer? Tel est le taux fixé par le nouveau Parti démocratique. Il vous permettra d'augmenter le budget familial sans pour autant délaisser vos devoirs de bonne mère de famille et d'épouse dévouée, bien plus en vous ordonnant de vous y consacrer avec ardeur. Saviez-vous que la garde des enfants à vos soins confiés peut vous apporter 10 $ les 24 heures, soit 70 $ les séjours? Que vos qualités de bonne cuisinière et de bonne ménagère peuvent se monnayer au taux étatisé de 28 $ par semaine? Messieurs, nous revalorisons à partir d'aucune année le statut de mère de famille. Gare à vous, vos femmes se préparent. La journaliste Mireille Lemelin à l'émission Présent en janvier 1966, ça fait effectivement sourire ce qu'on vient d'entendre. Il y a le ton, évidemment, très sarcastique du billet de Mireille Lemelin. Mais au-delà de ça, on constate une chose, Camille Robert, c'est une proposition étudiée, présentée par un parti politique, le NPD. Le Parti québécois aussi, plus tard, aura ce même genre de proposition. C'est vraiment une question à cette époque-là qui est sérieusement étudiée, le salaire pour les femmes à la maison, qui travaillent à la maison, par les formations politiques. Oui, exactement. Dans le cas du Parti québécois, dans ses deux premiers programmes, soit en 73 et 75, il y a cette proposition-là de la rémunération d'un conjoint au foyer. Donc, ça pouvait être soit pour un homme ou une femme, mais c'était fait plutôt dans une perspective nataliste. Donc, c'était pour encourager, ça s'inscrivait dans le cadre de politique familiale, finalement, pour encourager relancer les naissances, si on veut. Mais du côté des féministes, il y aura vraiment cette revendication-là du salaire au travail ménager qui va être défendue à partir du début des années 70 et soutenue par tout un réseau international qu'on appelait le Collectif féministe international ou le Réseau international du salaire au travail ménager. Ouais. Et ça va être d'abord vraiment dans une perspective féministe marxiste que ce sera défendu. Donc, ces militantes-là considèrent que en exigeant que cette masse de travail gratuit-là soit payée, donc ce travail-là sur lequel le système capitaliste s'appuie, bien, il y aurait moyen de faire contrepoids à l'accumulation de profits par les patrons, par les États capitalistes. Je comprends donc que si on parle de la mécanique de la rémunération, ce serait le grand capital, ou enfin les entreprises qui verseraient un salaire aux femmes qui travaillent à la maison. Comment ça marchait? Qu'est-ce qu'on avait en tête? Comment on établissait le salaire? Et qui le versait, ce salaire-là? Bien, il y a plusieurs modalités de calcul qui ont été proposées. Du côté des féministes marxistes, c'était un salaire qui aurait été versé par l'État. Donc, évidemment, les entreprises seraient imposées et l'État verserait ce salaire-là. Il y a d'autres qui revendiquaient que ce soit le mari qui verse ce salaire-là à la ménagère. Et il y a eu différentes modalités de calcul qui ont été envisagées. Par exemple, le salaire horaire que gagnerait la ménagère si elle était sur le marché du travail, le coût d'embauche d'une travailleuse ou d'un travailleur domestique qui serait versé à la ménagère, ou alors le coût de remplacement de chaque service qui serait fait à la maison. Oui. Donc, le gardiennage des enfants, la préparation des repas, le ménage, etc. Donc, ça a été quand même envisagé. Et ça montre à quel point, à l'époque, c'était vraiment une revendication qui était prise au sérieux. Donc, pratiquement tous les partis politiques d'importance se sont penchés sur cette revendication-là. Tous les regroupements de femmes d'importance nationale se sont également penchés sur cette revendication-là. Le Conseil du statut de la femme. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu des consultations solution assez large. Et qu'est-ce qui fait que ça va, finalement, on va s'éloigner de cette solution? On considérait que le salaire aurait enfermé les femmes au foyer. C'était vraiment à une époque où le discours était à l'émancipation des femmes à travers le marché de l'emploi. Donc, on encourageait de plus en plus les femmes à mener des carrières, à s'épanouir sur le marché du travail et avoir une autonomie économique en travaillant, en occupant un emploi salarié. Donc, ce discours-là sur le travail ménager a finalement été mis de côté parce que on considérait que ça ferait seulement perpétuer l'infériorité économique et sociale de la femme. Donc, le salaire, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Ça a été un des scénarios envisagés. Il y en aura, si on fait des grandes familles, il y aura deux autres types de propositions. Ce qu'on appelle la socialisation du travail ménager, qu'est-ce que c'est? La socialisation, c'était compris comme une prise en charge collective et sociale du travail ménager par la mise en place de différents services. Donc, on l'a vu avec les garderies populaires qui ont été créées à partir des années 70 par des comités d'usagers et usagères, des syndicats, des groupes communautaires. Il y avait aussi la mise en place de cantines pour décharger les femmes de toute la préparation des repas et aussi certaines cliniques populaires qui venaient donner des services aux familles, des services de santé locaux. Ça aussi, il y en a eu notamment dans Pointe-Saint-Charles. Donc, il y avait vraiment cette idée-là de services qui seraient gérés par les usagers et usagères. Donc, ce qui n'est pas exactement la même chose que les services de l'État. Que le travail fait par les femmes à la maison soit assuré par la collectivité. Dernière piste envisagée, c'est tout ce qui... En fait, c'est de créer des programmes, des réformes, en fait, qui soutiennent les femmes. C'est ça? Exactement. Bien, on réclamait que les ménagères aient accès aussi à tous les avantages sociaux auxquels les travailleurs salariés avaient droit. Par exemple, les congés de maladie, l'assurance-emploi, les congés de maternité, l'inclusion au régime des rentes du Québec. Donc, toutes les mesures de sécurité sociale desquelles elles étaient privées, finalement, on demandait à ce que les ménagères puissent également y avoir accès. Qu'est-ce qui fait que cette question qui a été si présente dans les années 70-80, la question du travail ménager, la question du travail des femmes à la maison, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, c'est non seulement complètement disparu des revendications des groupes féministes, mais qu'on a même oublié que ça avait été si important dans l'histoire du féminisme? Je crois que dans l'histoire du féminisme, on a beaucoup retenu les mobilisations pour la contraception et l'avortement, qui ont été quand même des batailles victorieuses, si on veut. Mais pour ce qui est du travail ménager, ça a été mis de côté, si on veut, dans les bilans de l'histoire du mouvement féministe des années 70. Pourquoi? Je crois qu'on a de la difficulté à reconnaître cet héritage-là parce que il n'y a pas eu vraiment de victoire significative. Ce n'est pas une lutte qui a débouché sur des mesures concrètes, si on veut. Et aussi, il y avait, comme j'ai dit un peu plus tôt, cette réticence-là des femmes à revendiquer le statut de ménagère. Mm-hmm. Donc, c'est comme si on avait supposé que cette question-là serait réglée à mesure qu'elles intégraient le marché du travail, mais finalement, ça ne l'a pas été. Et ce qu'on a observé, sinon, c'est vraiment une délégation vers la sphère privée de tous ces enjeux-là, puis de plus en plus aussi avec l'embauche d'aide familiale puis de différents services sur le marché. Donc, ce problème-là, plutôt que d'être réglé collectivement, a beaucoup été délégué, par exemple, sur le marché puis dans la sphère privée. Camille Robert, candidate au doctorat en histoire à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.